réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel en ce mercredi 11 novembre. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, Liliane Kerjean, spécialiste de littérature américaine. Depuis lundi, nous rendons hommage à Arthur Miller à l'occasion du centenaire de sa naissance et du 10e anniversaire de sa disparition. Et puis en deuxième partie, actualité cinéma avec l'historienne du cinéma Émilie Coqui qui viendra nous parler de Milos Yüksekçay à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son film réalisé en 1966, Les Sans Espoirs. Arthur Miller. I wrote Death of a Salesman at the beginning of the greatest boom, probably in world history. I knew the boom was going on, but I was not alone in thinking in 48 when I was writing it. The reality was depression. The reality was the whole thing coming down in a heap of wood and cinders. Arthur Miller, un Américain sur le qui-vive. Une série avec l'universitaire Liliane Kerjean, spécialiste de littérature et de théâtre américain. Arthur Miller, le centenaire de sa naissance, le 10e anniversaire de sa disparition. Aujourd'hui, 3e épisode, Miller au théâtre. Bonjour Liliane Kerjean. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de sa position au théâtre, mais on a parlé de son écriture pour le théâtre. Or, Arthur Miller était aussi très présent au théâtre. Il faisait de la mise en scène. Est-ce que pour lui, il séparait les deux métiers, l'écriture et la mise en scène? Alors, il est plutôt, pendant des journées entières à Roxbury, sur l'écriture. Mais il lui est arrivé à plusieurs reprises de faire des mises en scène de ses propres pièces, de faire des mises en scène de Tchekhov également et d'Ibsen. Mais en fait, il fait confiance à ses metteurs en scène et il est peu présent aux répétitions, mais par contre, il est présent lorsque le public est là. C'est très intéressant. Il veut voir comment le public réagit à ses pièces. Et pourquoi il est passé à la réalisation? Est-ce qu'il pensait qu'il était le seul à pouvoir mettre en scène, comme il le voulait, comme il l'entendait, soit une de ses pièces, soit une de ses adaptations de pièces? Alors, le grand exemple, c'est bien entendu quand il va à Pékin pour monter La mort du commis voyageur. En 1983? Voilà. Le travail dure 6 semaines dans des conditions assez difficiles. D'une part, les comédiens sont issus du théâtre chinois traditionnel, extrêmement orné, extrêmement fardé, extrêmement codé. C'est un défi politique et culturel car aucun étranger n'a monté une pièce en Chine jusque-là. Et puis aussi, il y a le barrage de la langue, il y a le barrage du style, il y a le barrage des rôles. Là-bas, il n'y a pas de commis voyageurs, puisque c'est pas une économie de marché. Il n'y a pas non plus de jeunes filles qui vont prendre des pots le soir avec des jeunes gens. Donc, tout ça paraît très curieux. Mais pourquoi ce voyage, d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse? Pourquoi ce voyage? Parce que avec sa troisième épouse, la photographe, il voyage beaucoup, elle prend des photos, il écrit des textes, et il est le seul à avoir été invité en Chine. De toute la planète de l'Ouest. Donc c'était un honneur, un signe qu'on lui fait. Mais le fait d'accepter cet honneur, cette invitation en plein réganisme, Reagan était au pouvoir, hein, c'était aussi une manière de défier l'ordre établi aux États-Unis. C'était une manière de défier, mais il avait des comptes à régler avec le pouvoir puisqu'on lui avait refusé son passeport quelques années plus tôt. Donc c'était l'occasion de s'implanter et de faire de la relation diplomatique grâce à une mise en scène. Donc il a été invité, il est allé, il a travaillé d'arrache-pied pendant 6 semaines et finalement ça a été un triomphe et la pièce a tenu l'affiche pendant plusieurs mois. Donc c'était un défi considérable, mais ce qu'il voulait dire, c'est que oui, l'Amérique vient à vous, oui, c'est la première fois, mais également, cette pièce est universelle. De quoi s'agit-il ? D'un père qui veut le meilleur pour son fils. Et ça, les comédiens comprenaient. Ça, ils se disaient, oui, nous aussi, nous, les pères, ils veulent que leur fils soit un vrai dragon. Donc, en basant ça sur la relation d'ambition d'un père pour ses fils, eh bien, le public a adhéré, les comédiens ont adhéré, et ça a été très bien reçu. Et comment les autorités chinoises ont-elles utilisé cette invitation, cette adaptation de Mort d'un commis voyageur d'un grand auteur américain en Chine pop? Alors, l'ambassadeur disait, c'est évident que certains vont dire, voilà un Américain qui critique l'Amérique, qui dit que cette Amérique mercantile conduit à la mort de ces gens qui se laissent happer et manger par le système. Il a dit, mais non, moi, c'est pas ce message-là que je veux faire passer nécessairement. Simplement, je veux montrer une famille américaine et qu'il n'y a pas tellement de différence, finalement, de par le monde. Une famille a toujours un lien intense et une ambition interne. Oui, et puis c'est un message d'émancipation. Comment ça a été pris par les autorités chinoises? Alors, il avait affaire à une troupe de première grandeur, qui était l'équivalent, si on peut dire, de la Comédie française. Donc, c'était des gens très aguerris, très soucieux de faire une innovation, et donc il a fait évoluer le personnage de Linda, l'épouse, d'une épouse soumise à la chinoise, à une femme relativement autonome qui devient une veuve autonome. Est-ce qu'il l'a fait pour ses autres pièces au fur et à mesure qu'il voyageait dans le monde ou qu'il voyageait même à l'intérieur des États-Unis? Non, c'est la seule fois qu'il est allé si loin d'une part des États-Unis et puis en prenant en compte tout seul une mise en scène à l'étranger. D'habitude, il donnait son mot quand il allait à Londres parce qu'il était ami des metteurs en scène de Laurence Olivier, etc. Mais en fait, ce qu'il aimait quand il allait à Londres, c'est aller avec Laurence Olivier découvrir d'autres auteurs, les nouveaux auteurs anglais. Justement, parlons maintenant du rapport d'Arthur Miller avec ses contemporains du théâtre américain. Alors, il est très reconnaissant au Neil d'avoir installé le théâtre américain, puisque avant il y avait que des pièces anglaises qui étaient jouées. On pourrait donner comme exemple le président Lincoln, qui est assassiné dans sa loge au théâtre en 1865, et il est en train de regarder une comédie anglaise. Donc on a joué, il était amateur de Shakespeare, Lincoln. Mais donc on a joué beaucoup de Shakespeare et beaucoup de comédies anglaises aux États-Unis jusqu'à la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas pratiquement de théâtre américain, sauf du théâtre itinérant qui n'était pas très ambitieux. Et donc grâce à O'Neill, enfin on a un auteur remarqué et un auteur qui est couronné. Donc, par ordre d'ancienneté, si on peut dire, arrive ensuite Tennessee Williams. Et Miller est très admiratif de Williams. Il trouve que c'est innovant, qu'il y a des couleurs, qu'il y a une magie, qu'il y a des mises en scène, qu'il y a un surréalisme, qu'il y a une magnification du désir, qu'on sent la société du Sud, que c'est vivant. Il aime beaucoup Tennessee Williams et il ne manque jamais aucune de ses pièces et ils se connaissent dans la vie. Et pourtant, ils sont très différents. Ils sont très différents. Entre l'urbain et le rural, entre celui de l'homme de New York, le cosmopolite, et l'homme qui raconte le sud des Américains, entre même l'hétérosexuel et l'homosexuel, ils sont très différents. Ils sont très différents. O'Neill est un homme du Nord, Edward Albee est un homme du Nord, de la Nouvelle-Angleterre, tous les trois. Et donc, celui qui est différent, c'est effectivement Tennessee Williams. Mais Tennessee Williams a quelque chose de fragile et de vulnérable qui n'échappe pas à Miller. Miller aime assez les personnages fragiles et vulnérables, par exemple Marilyn. Au fond, il s'égrée à Williams d'avoir émancipé le théâtre américain, d'avoir parlé de la chair, de la peau, du désir, des choses troubles, des héritages, de la transmission du delta du Nil. Tout ça, ça le passionne. Alors, ça n'est pas sa facture à lui, mais il aime beaucoup. Ça va moins bien entre lui et Edward Albee parce que Albee est un aristocrate, ce que n'est pas tout à fait Miller. Et d'un autre côté, Albee considère que Miller est un agitateur social dans le style des années 30, pas au-delà. Donc il serait resté comme Clifford Odets qui prenait la grève, etc. Donc il ne se voit pas beaucoup, Mais il n'y a pas de commune mesure entre le succès de Meller sur l'intégralité de ses pièces, alors que Albee a fait un succès colossal avec Key Upper Virginia Woolf et The Zoo Story, mais reste un théâtre intellectuel, un théâtre de réflexion sur l'art. Il a fait, par exemple, une pièce sur Louise Bourgeois. Donc, ce ne serait pas du tout le choix que ferait Meller. Il ne fera pas sur un artiste en tant que tel. Et ça, c'est un choix pour vous idéologique ou artistique ? Oh, c'est les deux. Meller préfère parler des fermiers, il préfère parler des dissidents, il préfère parler des immigrés. Donc, toute une population vulnérable, inquiète. Et voilà ce qui intéresse Arthur Miller. Mais on peut parler déjà à l'époque d'un théâtre moderne. En quoi ce théâtre, le théâtre d'Arthur Miller ou même celui de son ami et contemporain Tennessee Williams, sont-ils en rupture avec ce qu'il y avait avant ? Alors c'est en rupture parce que ça s'applique uniquement à l'Amérique. Il n'y a pas de référence à d'autres civilisations, sauf dans Incident à Vichy où évidemment c'est la collaboration et c'est Vichy. Mais il y a aussi une autre pièce où il s'agit du bloc de l'Est, le plafond de l'archevêque, où il s'agit de la ville de Prague qui n'est jamais nommée, mais c'est les écoutes clandestines, donc on imagine une réunion de bonnes gens où on sait que les murs sont truffés de micros, donc comment esquiver, comment avoir une vie avec cette surveillance perpétuelle. Donc cette mainmise de l'appareil d'État sur le citoyen tracasse Meller et il en fait une pièce. Donc il y a cette dimension politique dans la critique de la société de l'Est, il y a la critique de la société américaine et cette façon de s'enrichir jusqu'à en perdre la vie. Et puis il y a aussi des drames plus politique dans le sens de l'histoire, la chasse aux sorcières à Salem, c'est-à-dire la chasse aux dissidents, la chasse à ceux qui ne respectent pas la religion au pied de la lettre. Donc ça, c'est aussi un phénomène résurgent, puisque lui-même, il va être victime de la chasse aux sorcières sous McCarthy. Donc il essaie de rendre palpable cette surveillance, cette chasse à la dissidence, au libre arbitre d'une société extrêmement formatée. Et le théâtre d'Arthur Miller, c'est un peu le théâtre de la société américaine, Liliane Kerjean. Est-ce qu'il a eu à un moment le désir ou l'envie de faire un peu comme son ami Tennessee Williams, c'est-à-dire un texte, un théâtre plus intime qui parle de l'âme humaine ? Alors, les pièces de la fin de sa vie sont plus intimes parce qu'elles abordent non seulement les thèmes de la famille qui sont récurrents, mais par exemple, Le Prix est une pièce intéressante. Il y a un père qui est mort et arrive celui qui va évaluer la succession. Et comme chez Meller, il y a deux frères, deux fils, et l'un est devenu un grand chirurgien, donc est très riche, et l'autre est un flic. Et donc, tout le débat de Le Prix, qui était joué magnifiquement d'ailleurs par Claude Dauphin, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie, quel choix on fait, à quel prix on vit. Qu'est-ce qui est l'idéal dans une vie ? Est-ce que c'est la réussite à tout craint et une certaine compromission avec l'idéal ? Ou bien est-ce que c'est l'honnêteté, la loyauté, et on reste éventuellement flic et on fait bien son travail ? Est-ce que ce théâtre, qui est vraiment le miroir de l'Amérique du XXe siècle et de l'histoire du peuple américain, ça on peut le dire, est-ce que ce théâtre d'Arthur Miller était aussi ouvert aux autres courants, je dirais, est-ce qu'il y a eu des citations d'auteurs américains ou étrangers, d'écrivains Alors, Meller ne cherche pas à montrer sa culture, c'est un homme extrêmement sobre, et donc son théâtre va s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément lu les livres qu'il a lus, et il ne procède pas du tout par allusion, ni par citation. Il a des rapports très cordiaux, par exemple avec Yves Montand et Simone Signoret lorsqu'ils vont jouer les sorcières de Salem, le rôle du fermier et de la servante. Et donc là, il entretient une correspondance assez longue avec eux. Il va d'ailleurs devenir l'ami de Yves Montand, puisque pendant un moment, le couple Montand-Signoret et le couple Meller-Monroe va cohabiter à Hollywood. Et d'ailleurs, ils s'entendent extrêmement bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc finalement, il réussit à mettre dans ses pièces des aperçus de la vie américaine et à chaque fois une réflexion morale sur le bien et le mal, sur la trahison, sur la loyauté, Sans passer par la religion, il faut bien le préciser. Sans passer par la religion, et d'ailleurs sa critique des sorcières de Salem est vive, puisque tous les personnages religieux, il y en a beaucoup dans les sorcières de Salem, sont des intransigeants, sont des ayatollahs. Demain, suite de notre série consacrée à Arthur Miller, pour marquer le centenaire de sa naissance, et demain on va parler d'Arthur Miller lui-même. Merci Liliane Kerjean, à demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Émilie Coquille. Bonjour. Historienne du cinéma, vous êtes responsable de la diffusion et valorisation des collections films de la Cinémathèque française. Et ce matin, vous êtes là pour nous parler d'un metteur en scène que vous connaissez très bien, le metteur en scène hongrois Miklós Jancsó. Et nous avons une belle actualité, c'est la sortie d'un de ses meilleurs films, ou d'un de ses films emblématiques, Les Sans Espoir, qui a été réalisé il y a tout juste 50 ans. Et oui, la Cinémathèque française rend hommage à ce cinéaste hongrois un petit peu oublié, Miklós Jancsó, tellement oublié qu'on ne sait plus comment prononcer correctement son nom. C'est très étonnant de voir dans les années 60-70 comment ce réalisateur occupait absolument toutes les tribunes journalistiques, cinématographiques. Il faisait partie comme ça, il avait la dragée un petit peu haute sur les nouvelles cinématographies qui venaient de l'Est. Les Sans Espoir avaient été très remarqués au Festival de Cannes en 66. L'année d'après, ouais. L'année d'après. Et c'est ce film qui sort en copie restaurée. Et il sort en copie restaurée. Alors c'est vrai que les cinémathèques, comme celle où je travaille, à Bercy, par l'entremise et la collaboration avec une autre archive, la cinémathèque de Budapest, Manda, nous avons décidé de rendre hommage à ce cinéaste avec un ensemble de copies restaurées et aussi avons partenariat avec le distributeur et éditeur DVD Clavis Film, qui depuis 10 ans maintenant s'occupe à le flambeau sacré de promouvoir le cinéma hongrois et en particulier la cinématographie de Miklós Jancsó. Alors c'est vrai que c'est une activité de niche, hein, c'est vraiment pour connaisseurs, mais grâce aussi un peu à la renaissance de films sur support restauré, grâce au Festival de Cannes, qui a sa section Cannes Classique, montée par Thierry Frémaux depuis 2003 maintenant, on a l'occasion, en dehors de chiffres ronds, on n'attend pas les 60 ans du soulèvement de Budapest 2016 pour célébrer Miklós Jancsó, et nous avons donc le plaisir de pouvoir revoir ce film, le découvrir dans une copie splendide numérique 2K qui permettra aussi de nombreuses diffusions, car ce film aujourd'hui n'était plus consultable que sur une copie 35 mm. Est-ce qu'on peut parler d'un frère de Roman Polanski, le polonais, ou de Miloš Forman, le tchèque? Oui, alors c'est quand même la même génération, même si Miklós Jancsó est un petit peu plus âgé. Il n'est plus parmi nous, mais il est né en 1921. Il est mort l'année dernière. Et il est mort en janvier 2014, donc ça fait un petit moment. C'est cette génération comme ça de jeunes cinéastes, un petit peu rebelles. On parle de nouvelle vague. Alors même si pour la Hongrie, c'est un terme qui n'a jamais vraiment existé. Mais oui, il y a eu toute une déferlante de nouvelles vagues de l'Est. Un cinéma qui était révolté, qui était extrêmement libre face à des régimes d'oppresseurs. Alors, on parle très souvent de longs plans séquences avec Miklós Jancsó. On parle aussi de son audace, de montrer la nudité dans ses films. Mais si on partait, par exemple, d'un exemple concret, Les Sans Espoir, c'est d'abord un metteur en scène qui a une idéologie à défendre dans un système comme le système hongrois de l'époque. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant chez Jancsó, c'est que c'est du rococo historique. Il y a une sorte de baroque flamboyant, épuisé et un petit peu épuisant parfois. Les histoires et les motifs historiques sont des prétextes à faire de grandes paraboles esthétiques et complètement passionnantes pour tout amateur de cinéma. Les sans-espoirs est inspiré de faits historiques, mais je pense que ce serait une fausse route que de se limiter et de tenter une simple réflexion historique à ce film. Mais effectivement, Yang Cho, le sujet même de Yang Cho, tout au long de ses films, de ses premiers courts-métrages qu'il considérait, qu'il appelait comme des mensonges, ses premiers courts-métrages, il travaillait comme pigiste pour le ministère de la Communication et de l'Information hongrois dans les années 50, où il faisait des courts-métrages documentaires, jusqu'à ses derniers films qu'il appelait les mystères, hein, au sens médiéval, hein, ce sont des espèces de paraboles aussi, vidéos très mystiques, très étonnantes. Finalement, le sujet est toujours le même, c'est comment représenter le pouvoir, comment représenter un homme qui aboutit à une forme de pouvoir sur un autre homme et qui oppresse un concitoyen. C'est quoi la patte de Miklos Yang Cho, Emily Koki? La patte de Miklos Yang Cho, alors vous avez effectivement une équipe qui va rester à ses côtés depuis les années 60 jusqu'à la fin de sa vie, une équipe d'acteurs qui finalement, ils n'ont pas de nom ces acteurs dans les films de Miklos Yang Cho. Vous pouvez appeler le bien-pensant, le tyran, le bourreau, et ils vont à peu près toujours faire le même rôle. Et c'est très très émouvant de les voir vieillir avec le cinéma de Yang Cho, c'est-à-dire qu'on a 30 ans de carrière, on a 30 ans de carrière de technicien. Alors à la Cinémathèque, on a eu la chance de recevoir pour l'ouverture du cycle le chef opérateur, qui est maintenant le président des chefs opérateurs hongrois, qui est une sorte de père pour toute la nouvelle génération de cinéastes hongrois. On a eu la chance de recevoir János Kende, qui est le chef opérateur, et on comprend le travail d'équipe qu'il a pu faire avec Miklos Yang Cho, c'est-à-dire que Kende est un technicien qui n'éclaire pas son plateau de tournage, qui a un équipement le plus minimal possible pour pouvoir avoir une caméra toujours en mouvement. Le cinéma de Yang Cho, et c'est complètement hallucinant et halluciné, est un cinéma en perpétuel mouvement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le son chez Yang Cho est post-synchronisé. Donc, il hurle absolument continuellement sur le tournage pour chorégraphier ses acteurs qui sont également en perpétuel mouvement. Chorégraphier des travelling et des plans séquences surtout. Tout à fait. Des plans séquences de 12 minutes, c'est-à-dire la longueur d'une bobine de film. Parce que évidemment, nous sommes en 66 et le support d'enregistrement est une pellicule 35 mm, on charge dans la machine. C'est très intéressant d'ailleurs de voir Yang Cho au travail dans les années 2000 où il va s'intéresser de près à la vidéo et où la durée là devient infini, et donc je me demande si en 2015 il avait la possibilité de faire un film, qu'est-ce que ça donnerait. Les Sans Espoir, mais aussi Rouge et Blanc, Cantate, Silence écrit, et bien sûr ne pas oublier Psaume Rouge, peut-être un de ses films les plus vus, les plus primés, Emily Koki. Est-ce que ce cinéma-là, ce cinéma de Miklos Yang Cho vieillit bien, ou on a l'impression avec le recul qu'il était que c'est un cinéma maniériste et que peut-être qu'il passait par là pour éviter la censure? Alors, c'est vrai que le cinéma de Yang Cho a été un petit peu enterré dans les années 90-2000, bizarrement. C'est-à-dire que les murs de l'Est se sont ouverts et on a moins vu les films de Yang Cho sur les écrans et dans les festivals français. Et pourtant, il continue à tourner. Mais bizarrement, alors que lui exprime quand même une grande liberté de cinéma dans un contexte qui était tout sauf libertaire dans les années 60 en Hongrie, n'est plus extrêmement visible. Il est, on dit, passé de mode. Moi, je trouve que son cinéma est extrêmement contemporain. Les motifs qu'il représente sont étonnants. Vous citez Psaume Rouge, où c'est une révolte paysanne qui se passe au fin du XIXe siècle, où les paysans se révoltent contre des réformes agraires. Et de là, de leur révolte, naissent des chants. C'est une fête permanente. Les images de ce film sont absolument étonnantes, car la première fois que j'ai eu l'occasion de visionner ce film, pour moi, c'était une consternation absolument effarante. C'était pour moi une représentation des femmes, c'est-à-dire qu'on voit largement des femmes nues face à des officiers qui exposent leur corps nu comme seule arme face à cette répression. Et du coup, c'est vrai que c'est... Et dans les sans-espoirs, il y a aussi cette scène très connue où on voit des prisonniers attachés avec un sac de toile sur le visage. Bon, on pense à Guantanamo, on pense à Abu Ghraib, on pense à des images contemporaines, à des icônes. En fait, le cinéma de Yang Chow, ce sont des icônes intemporelles. C'est pour toute personne, et je pense qu'on est tous concernés, de se demander quel est l'état du monde aujourd'hui, quel est l'état du pouvoir aujourd'hui. Il faut aller voir les films de Yang Chow, on y trouve non pas une réponse, mais au moins une étude. Merci d'être passé ce matin, Émilie Coqui. Non, vous restez avec nous, il y a aussi la dernière séquence de l'émission, c'est-à-dire le questionnaire d'un autre jour. Mais tout d'abord, comment on devient historienne du cinéma? C'est une vocation? J'étais en histoire de l'art, et puis je me suis dirigée petit à petit vers l'histoire de la photographie, et puis petit à petit je me suis dirigée vers l'histoire du cinéma, comme finalement l'histoire de ce médium. L'image animée m'est arrivée progressivement. Mais l'histoire du cinéma, et puis surtout l'histoire des cinémathèques. Les cinémathèques ont une vocation de montrer finalement ce qui n'est plus destiné à être montré. Et c'est par ce chemin que j'ai trouvé ma voie. Et c'est donc ce matin à vous de jouer au questionnaire d'un autre jour. Trois questions. Première question, Émilie Coqui. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter? Je pense que ce serait la danse de Matisse. J'aimerais bien danser avec ces femmes. Deuxième question. Quel événement récent a bousculé une ou plusieurs de vos certitudes? Alors, étant archiviste de films et travaillant à la Cinémathèque française, je suis évidemment une militante du support argentique et du 35 mm. Le DCP, le support numérique de projection, est une réalité, mais il y a trop de mauvaises restaurations de films aujourd'hui et on invente trop un nouveau regard aux spectateurs qui ne seraient pas capables, soi-disant, de voir un film qui ne serait pas neuf. Cette idée me bouleverse. Et ben il y a un événement qui m'a convaincue du contraire. J'ai eu l'occasion de visionner un film de 1928 au Festival Lumière à Lyon. C'était un film de Dreyer. C'était La Passion de Jeanne d'Arc. C'était une restauration qui venait d'être aboutie en numérique. Et j'étais extrêmement émue par cette projection et convaincue que le numérique pouvait faire de grandes choses. Et enfin, troisième et dernière question. Ah c'est bien. Est-ce que vous dansez? Ben oui, dans les tableaux de Matisse. Et dans la vie de tous les jours, Émilie Coqui? Évidemment. Mais vous dansez sur quoi? Je danse sur absolument tout, mais même sur la rhapsodie hongroise de Brahms, je suis capable de danser. Merci d'être passé ce matin. Merci, Émilie Coqui. Générique de fin. C'était Un autre jour est possible. D'ailleurs, on dirait un titre de Miklos Yangshow. Le magazine culturel très matinal de Toufik Hakem. Un autre jour est possible, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne et le podcast disponible sur franceculture.fr. Cette émission a été préparée avec la complicité d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, à la technique Michel Mestre et à la réalisation Vincent Abouchard. Merci Émilie Coqui, vous avez été parfaite, aussi bien pour le questionnaire que pour le générique. On vous retrouve demain, je vous retrouve demain, Émilie Coqui, puisque vous donnez une conférence à la Cinémathèque à 19h, salle Georges Franju, et la conférence c'est bien sûr autour de Miklos Yangshow. Son film Les Sans-Espoirs sort au cinéma et toute une rétrospective est programmée à la Cinémathèque française. On se retrouve demain à la même heure avec en première partie Liliane Kerjean pour nous parler d'Arthur Miller et en deuxième partie Olivier Rollin qui viendra lui nous parler de Blaise Cendrars. Belle matinée avec France Culture et à demain.